Exercice 3, page 116. A. Nous, noix, noué. B. Bou, bois, boué. C. Sous, soit, souhait. D. Doux, doit, doué. E. Loup, loi, loin. F. Pou, poids, point. G. Joue, joie, joint. H. Coup, quoi, coin.